Un deuxième d'affilée. Cochon rose incorporé. 2009. Yeah. L'eau, froid. J'ai mangé 3 rats. Il y en avait un qui était beau. Et l'autre qui était jaune. Et l'autre n'existait même pas. C'était juste dans ma tête. Il s'est passé des choses et que j'avais mal au ventre. Vois, j'ai mangé 3 rats. Il y en avait un qui est... Oh, hostie. Je vais arrêter de dire ça. Vous savez déjà pourquoi je répète tout ça. L'autre fois, j'ai été sur la lune, il y avait 3 mons yeux qui me parlaient avec des choses étranges. Ils me parlaient Igor, la langue que j'ai inventée tantôt. Je me suis demandé pourquoi ils savaient déjà cette langue-là que je venais de créer de 2 jours juste avant. Et personne ne savait, car il y avait juste moi qui le savais, cette langue-là, c'est moi qui l'ai créée. Et là, ils parlent ma langue, et là, je fais... Voyons, et je comprends tout ce qu'il disait. Il disait, mange-moi. Allô? Excusez. Il a dit, mange-moi, hello, excusez. Et là, je me suis demandé, qu'est-ce que ça voulait dire? Et il s'est trompé. Il ne savait pas aussi bien que moi, car c'est moi qui l'a créé. Putain, que je dis n'importe quoi. Mais c'est qui était le fun. Après, vu qu'on parlait la même langue tous les deux, on a pris un verre. Il m'a saoulé et a voulu me violer. Mais heureusement, un arbre est arrivé et il m'a dit « Je vais te sauver ». Il m'a pris dans ses branches et m'a poussé vers le sol. Il m'a retourné et j'ai tombé dans une planète. Une planète qui s'appelait c'était le nom de la planète. Alors je me suis dit « C'est bien bizarre comme nom ». Alors je me suis pitché en bas et je suis mort, mais je me suis ressuscité car j'ai dit n'importe quoi. Fait que comme ça, c'est même pas vrai. Fait que j'ai jamais été mort. Mais j'étais mort dans l'histoire, vous comprenez? Yeah. Yeah. Vous comprenez? Maintenant, c'est le beat de Skrunk. Skrunk Metal Fest. Let's go. J'ai commencé à faire un beat avec ma bouche que vous comprenez sûrement pas. À moins que vous compreniez et aimez le métal. Alors, vous êtes prêts? Prêt. On finit très bien avec la langue Igor. On finit cette chanson. Vous êtes prêts? Ça va finir très bien.